Faut déjà que je pense à mon futur, on part jamais gagnant. Je fluctue entre le surplus de taf et tout ce qui me paraît marrant. Avant de passer ta vie en cure intensive, sache qu'aucune rambarde n'est semblable, ni trop de place, et pour que tu la franchisses dans le vif de l'action. Chaque seconde on s'arrange en nonchalance, passe, je suis pas sur mon talent. De façon, je balance, on avance, tu sais. Je suis perdu entre bien et mal, je deviens aimable. Que quand ça me plaît, car un tas de médailles m'est bien égal. Je rêve de succès, esquiver les plaintes intempestives. Plein d'estime en soi, mais moins quand il s'agit de s'investir. Un geste bim, un jour tu manges un pruneau imprévu. C'est pas très dur couler, faut trouver la clé qui ouvre. C'est dur, j'atténue mes dires sans trop savoir quoi faire si je dérape. Dans la lune en permanence, perdu dans le vide intersidéral. C'est grave, mais j'essaierai de sauver les meufs, sinon c'est rester zoné des heures, causer du tort à ceux qui nous aiment. Donc, évidemment qu'on est programmé, trop de mecs à mettre en douce, j'en joue pour toutes les autres années. Un objectif m'inquiète, on dessine en fait un truc qui tue. C'est sûr, je m'attelle, je sais qu'il faut le taffer. Pas de message à faire tourner, je garde mes marques et persévère. Taf mes tracks et passe mon temps à traquer le cash et rester zen, frérot. J'ai dérogé, laissé de côté les choses vraies, les potes et les projets fermés. Métro près des cloches, respecte mes cordes vocales, j'pars au casse-pipe. Bah les pattes, c'est pas les flatteries, qu'à me fâcher, sache qu'il y avait pas de tic. Au départ, on picolait, pense, mythe, on est staff et des alus pensant que ce serait facile. Et puis on s'égare, j'm'entends à peine quand j'rappe, la tête dans le casque en sueur. J'sens clair, s'embrase, mon cercle, en j'pars sans peur, sans regret ni quelques craintes que ce soit. J'ai maintes fois envoyé des lettres qu'elle se plaint de recevoir, donc j'reste appliqué à mon taf, fatigué façon de parler. La nuit, j'imagine l'avenir, fabrique l'évasion, s'armait les idées en place, chaque vérité en face des yeux, les idéaux, les nouveaux. Bref, ce tra c'est pas c'est vieux. Donc, évidemment qu'on est programmé. Trop de mecs à mettre en douce, j'en joue pour toutes les autres années. Un objectif m'inquiète, on dessine en fait un truc qui tue. C'est sûr, je m'attelle, je sais qu'il faut le taffer. On fait toujours ses rêves de gosse. Fix Pen Saima, prof de lettres, ok. Yeah. On fait toujours ses rêves de gosse, et quand je repense aux objectifs, j'essaie de repousser les remords, retrouver un équilibre, car je sais que le fiston me brise dans les dictons. Si sont vrais, parfois la vie, écoute-moi, fiston, c'est ce qu'on me disait afin d'éviter la faille. T'es loin d'avoir gagné la guerre, c'était rien qu'une bataille. Alors regarde au plus loin, ton nez n'est pas au bout de la terre. T'as beau connaître le goût de la merde, c'est pas donné pour s'en défaire. En effet, les étapes ne sont pas faciles à franchir. Je me mets dans tous mes états pour ne pas gâcher mon avenir. Je donne mon avis, c'est peut-être pas le meilleur à prendre en compte. J'ai connu les avis, fait des erreurs, j'ai mis le temps avant de comprendre qui s'agit pas de faire son bis trop vite pour une vie promise au profit. Vivre au crochet du risque, espoir au niveau d'un grossiste. J'ai vu trop de types étonnés d'une descente aux enfers, pensant jamais déconner, croyant avancer sans perdre. Évidemment qu'on est programmé, trop de mecs à mettre en douce, j'en joue pour tout.